مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. إخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن آجي الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب النعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأنا بيبخاندر أخذنا في الدرس السابق الكلام على النواسخ. معنى ذلك سيصون الشوز كيف هندخي على المبتدأ والخبر، وينسخون أحكام المبتدأ والخبر. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى درس النواسخ، ذكر منها ثلاثة: كان وأخواتها، إن وأخواتها، وظننت وأخواتها. On a pu voir que deux parmi ces نواسخ ce sont des أفحال comme كان وأخواتها وكذلك ظن وأخواتها. وأما إن ça fait partie des أحرف، tous ce sont des أحرف. On a pu voir que ces أفحال là التي تدخل على المبتدا والخبر on les appelle نواسخ. كذلك on les appelle أفحال ناقصة par rapport à كان et وظن. Ce sont des أفحال qui sont ناقصة. Pourquoi ناقصة؟ Parce que généralement الفعل حتى يتم المعنى il a besoin de quoi؟ D'un فاعل بس. ذهب محمد، il est parti. La جملة est quoi؟ مفيدة. لا نحتاج إلى مفعول به، ما نحتاج إلى مفعول إلا مفعول به. C'est pour ça qu'on appelle ces أفحال تلمة. ومتى دخل الفعل على المبتدا والخبر، الأصل هم بعض المبتدا والخبر، لكن إذا دخل الفعل على المبتدا والخبر on va l'appeler فعل ناقص. Pourquoi؟ Parce que أولا il est entré dans un مبتدا والخبر et c'est pas l'أصل، il rentre pas dans l'أسماء، لكن donc l'أقصد il rentre pas dans le مبتدا والخبر لكن il rentre dans le فاعل. Et كذلك لأن il a besoin de ce خبر là qui va être comme un مفعول به يعني في الصورة، c'est comme si jamais c'était un مفعول به dans l'aspect. Donc il a besoin de ce mafhul bih. C'est pour ça qu'ils ont dit naqisa, parce qu'il a besoin du khabar du mubtada hatta tatim al-ma'na, afin que le sens tam plutôt hatta yatim al-ma'na, afin que le sens il soit complet. Donc dhanna et kana tam wa akhawatuhuma, ils font partie des afhal qui sont quoi? Naqisa kama sami'ta. Il a évoqué par rapport à kana wa akhawatuha les ahkam qui sont relatifs à kana wa akhawatuha. Wa qala rahimahullah ta'ala que kana ترفع الاسم. C'est pour ça qu'on a dit ناسخ, parce que ce qui vient après on n'appelle plus مبتدا وخبر, لكن on appelle quoi? اسم كان و اسم أمسى أو أصبح إلى آخره. Et نعم ينصب الخبر. Donc on dira du premier qui était مبتدا في الأصل. مثلا عبد الله قائم. On veut rentrer كان, on dira كان عبد الله قائمة. Donc là عبد الله qui était مبتدا avant que كان rentre. Après le dukhul de kana, il est devenu quoi? Ism kana. Donc ça fait partie des ahkam qui ont été changés dans le mubtada lorsque kana il est rentré. Et kazalika au niveau de l'arabe. Al-mubtada ma'ruf, comme on a pu le voir, تمام. السكيل مرفوع من أحكامه أنه دائما مرفوع تمام. فها هنا كذلك صنع عربي بشانجي لا بانسون لا بوس دير لكن اسم كانا واخواتها celui qui était mubtada qui est devenu اسم de كانا et de اخواتها n'est-ce pas qu'il est déjà مرفوع؟ نعم on lui dit il est déjà مرفوع et le fait que كانا il vient il rentre et اخواتها il rentre dans le mubtada il va lui donner un nouveau raf il va lui donner un nouveau raf et le dalil de cela c'est qu'on n'appelle plus mubtada lakin on appelle quoi اسم كانا و اسم اخواتها et le khabar il est quoi il est mansoub il est mansoub كان عبد الله قائما إلى منصوب تم بكان مقصصي من أحكام كان وأخواتها أنها ترفع المبتدا ويكون اسما له وتنصب الخبر ويكون خبرا له تم سدفين خبر دكانا يدخل دفين اسم دكانا يدسي أخواتها ثم إلى يبكى رحمه الله تعالى بعض أخواتها تم إلى يبكى منها أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها donc il a évoqué une série une liste de أخوات كان et on a pu voir que ces أخوات كان من حيث التصريف au niveau de la conjugaison على أقسام au niveau de la conjugaison على أقسام on a pu voir qu'il y en a il y a des أقسام qui se conjuguent dans tous les temps verbaux que ce soit dans le ماضي dans Al-Hal ou bien dans quoi dans l'Amr comme il a évoqué avec Kana il avait évoqué Kazalika yani tout ce qui est de Kana jusqu'à Laysa exclu donc Kana Amsa Asbaha Abha Walla Bata Sara tout cela tatasarruf tasarrufan tam il se conjugue yani dans tous les temps verbaux comme il a évoqué Hahuna Kana Yakun Kun et t'as des af'al parmi eux qui se conjuguent seulement dans quoi dans al-madi et kadhalika dans al-mudari c'est-à-dire qu'il sera l'aspect du mudari soit al-mustaqbal ou soit al-hal et il a évoqué pour cela les quatre qui suivent laysa ma fatia ma bariha ou plutôt ma zala man fakka ma fatia wa ma bariha ces quatre là ils se conjuguent au madi comme ils se conjuguent kadhalika au sous l'aspect du mudari zala yazul man fakka yanfak fatia تذكر يوسف حتى تكون حررا كما في الآية لن نبرح عليه عاكفين donc là tam, il se conjugue sous l'aspect du mudari et t'en as qui se conjugue que dans le ماضي que dans le ماضي qui sont laysa et madama laysa se conjugue que dans le ماضي tu ne peux pas trouver laysa dans le mudari ou كذلك tu ne peux pas trouver laysa dans l'amr donc ça on appelle quoi fi'l jamid de celui qui était avant qui se conjugue que dans le ماضي et dans l'aspect du mudari celui-là on appelle fi'lun naqis et madama dama il se conjugue lakin pour qu'il soit min akhawat kana il se conjugue que dans le ma'adi ensuite on a pu évoquer qu'au niveau des shurut c'est pas tout akhawat kana qui va rendre marfou' ismaha et kazalika tansibu khabaraha il y a des conditions il y en a qui œuvrent sans condition et il y en a qui œuvrent avec des conditions on a pu voir que tout ce qui était de kana أمسى أصبح أضحى ظل بات وصار إذا sans condition تنصب plutôt ترفع الاسم وتنصب الخبر بلا شرط aucune condition par rapport à cela أما ce qui vient après ils ont des conditions كذلك ليس نعم on a pu voir que les quatre qui suivent ليس c'est à dire ما زال ومن فك وما فاتئ وما برح ces quatre là ils vont être من أخوات كان à l'exception que si jamais on trouve devant eux un nafi ou bien un nahi. Si jamais ce n'est pas le cas, ils ne feront pas partie de Akhawat Kana. Et madame, on a pu évoquer, inchallah, on va vous faire participer, quelle est la condition afin que madame il fasse partie des Akhawat Kana. Il faut qu'il soit précédé de ma al-masdariya. Il manque un petit point. Qui se rappelle? Si vous vous rappelez, sinon, inchallah, je l'évoque. Donc là, on nous a fait part que pour que ma dama ya'mal 'amal kana, il faut qu'il soit précédé de ma al-masdariya. Là, la réponse elle a été rapportée à la moitié. Il manque juste une autre moitié. Qui se rappelle de l'autre moitié? Si jamais c'est le cas, levez la main. Si jamais c'est pas le cas, je donne la réponse, inshallah. Donc, yani, la condition, kadhalika, pour que ma dama il fasse partie de akhawat kana, comme c'est évoqué ici, il faut qu'il soit précédé de ma al-masdariya, lakin al-zarfiya. Al-masdariya. Al-Zarfiyya, al-Zarfiyya, c'est-à-dire qu'elle apporte le sens le complément circonstanciel de sens qui apporte la notion du temps. Et al-dharf et al-masdariya, comme on a pu le voir, c'est la main qui va, naam, ce qui va suivre main, on va l'interpréter comme quoi? Comme al-masdar. Dama, il a un masdar, parce que c'est un fi'l. Et c'est un fi'l, yani, qui n'est pas jamid, comme l'Isa. L'Isa, il n'a pas de masdar. Amadama, il a un masdar, qui est quoi? Dawam. Dama, il a un masdar qui est dawam. Donc lorsque main, il va rentrer dans comment ça s'appelle, dans dama, il va être interprété avec une armée sourate, interprété comme un masdar. Donc ma dama, ça sera quoi? Dawam. Ma dama, dawam. Et on a dit dharfiya, donc on va ramener, avant cela, avant ce masdar là, on va ramener la notion du temps. Et on va, généralement, ils avaient quoi? Mudda. Comme dans l'ayah, par exemple, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya. Faha huna. Ma dumtu hayya, c'est comme si jamais c'était dit en dehors du Coran, si jamais on épluche, on dira wa awsani bis salati wa zakati muddata dawami hayati. Tant que je suis vivant. Muddata, temps. La notion du temps. Dawami, tant que je suis. Tant que je ne cesserai d'être vivant. Donc là, on voit bien que il y a la notion du temps qui est venue, qui est mudda. Et kadhalika, le masdar, il est venu derrière. C'est pour ça qu'on l'appelait ma al-dharfiyya al-masdariyya. C'est celle qui va être interprétée avec ce qui va suivre derrière, qui est dama, comme un masdar. Et on va lui mettre avant cela quoi? La notion du temps, mudda, zaman, et l'akhiri. Lakin, généralement, ils avaient quoi? Mudda. Donc, si tu fais les arabes, مثلا, ma dumta, tu diras ma dharfiyya, masdariyya, dharfiyya. ما دمت حيا دمت فعل ماض مبني على السكون لاتصال به بضمير متصل متحرك في محل رف فاعل في محل رف تمام في محل رف اسمه داما مصرف عظمه في محل رف اسمه داما وحيا خبر كان منصوب بكان بداما بتو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره تمام après tu fais si tu veux le ta'wil tamam ila akhirih. Donc ça c'était la condition par rapport à quoi? Par rapport à madame. Tam. Une chose aussi que j'ai oublié d'évoquer, c'est par rapport à Laïsa. Laïsa, son khabar, al-asl, comme on a pu le voir, vu que c'est min akhawat kana, donc il y en a yansibo, plutôt tansibo, al-khabar. Il va le rendre mansour. Lakin kaza les cas dans certains cas, il aura l'aspect d'un ism majuro, mais il sera fi mahal nasb. Comme fi qala subhanahu wa ta'ala, alayhi sallahu, بأحكم الحاكمين أليس من أخوات كان لفظ الجلالة تم اسم ليس مرفوع بليس وعلامة مرفوع نعم علامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره ب حرف جر أحكم نعم بأحكم الحاكمين أحكم نعم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة الظاهرة في آخره الكسرة الظاهرة في آخره وهو مضاف و أحكم الحاكمين حاكمين مضاف إليه فها هنا الخبر de ليس il est pas منصوب في الأرض يعني على الظاهر sous l'aspect لكن il est في محل il est في محل نعم il est في محل نصب donc une chose qu'il faut rajouter par rapport à ليس c'est que ليس si tu veux tu peux lui rajouter le ba le ba dans le khabar tu peux le rajouter en forme de توكيد un peu. Ça c'était par rapport à Kana ou Akhawatuha. Qala, ensuite il avait évoqué Inna ou Akhawatuha. Mais ce sont tous des Ahruf, ils apportent tous un sens. Inna apporte le sens de Tawkid avec Anna Kazalika. On a pu voir une des différences qui est entre les deux, c'est qu'il y en a un avec lequel on débute la phrase et l'autre non. Ensuite il avait évoqué Kazalika. Naam, il y avait Lakinna, on avait dit Harfu Istibarak. Kazalika l'avait évoqué Kanna, on avait dit c'était At-Tajbil Mu'akkad. Il y avait Leita, Harfu Tamanni. Le Tamanni c'est une chose qui est. Que tu souhaites et qui est impossible de, que tu ne peux pas accéder, ou bien que tu, un qui sera vraiment dur à avoir. La'alla, il a pu évoquer que ça peut avoir deux sens. Al-ishfaq ou taradji. Al-ishfaq, c'est lorsque tu crains une chose, ou taradji, c'est lorsque tu espères une chose. Comment on fait la différence entre les deux? On regarde le khabar de la'alla. C'est une chose qui est dans le bien, ça peut être quoi? Al-taradji. La'alla Muhammadun mu'afa. La'alla Muhammadun mu'afa. Mu'afa, c'est quoi? C'est une chose qui est dans le bien. Tu dis pas. Je crains que, ou bien j'espère que Mohammed il est. Je crains que Mohammed il va bien. On ne dit pas cela. J'espère que Mohammed il va bien, qu'il est fi. Afia. Maintenant, si jamais je dis Marid, Barda, la'alla. Plutôt, je me suis trompé, j'ai mis Mansoub. La'alla Mohammedan. La'alla Mohammedan Mu'afa. Et l'autre, si jamais je dis La'alla محمدا مريض. هنا مريض il nous montre que la le sens de la halal, ça veut faire quoi taradji. Tu dis pas j'espère que Muhammad il est malade, hein. On n'espère pas pour son frère le mal. Et inna wa khawatuha, au contraire de kana wa khawatuha, tansibu al-ism, et kazalika tarfa'u al-khabar. Donc le axe de ramène quoi de kana wa khawatuha. Et le dernier qu'il avait évoqué, rahimahullah ta'ala, c'était dhanna wa khawatuha. On a pu voir que ces dhanna là, tout ce qui était akhawatuha, c'était des afhal. Et j'avais oublié d'évoquer une chose, ça peut être afhal al-qulub et kazalika afhal al-tahwil. J'avais pas évoqué, c'est-à-dire au niveau du charh, lakin, avec les exemples, surtout avec ja'ala, on a pu voir que ja'ala, ça peut avoir plusieurs sens, ça peut être bimarna aujada, ça peut être bimarna al-tahwil sayyara, et ça peut être bimarna avan. Donc par rapport aux exemples, que ja'ala, il peut avoir le sens de comment ça s'appelle, afhal al-qulub, comme il peut avoir le sens de tahwil, c'est-à-dire de changer une chose de son état. وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. Donc Allah subhanahu wa ta'ala حَوَّلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. Et une dernière chose, c'était par rapport à quoi اتخذ, on avait évoqué كَذَلَكَ مِنْ أَخَذَ الظَّنَّ, et les deux, plutôt أَخَذَ الظَّنَّ, son ramel c'est quoi, تَنْصِبُ الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرَ, تَنْصِبُ الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرَ, et les deux c'est comme si on était un mafhul bih. Il faut rajouter une chose, c'est quoi? كَذَلِكَ مِنْ بَابَ التَّحْوِيلِ. مثلاً, si jamais tu dis اتَّخَذْتُ نعم اتَّخَذْتُ الْأَرْضَ فِرَاشًا, j'ai pris la terre comme lit, yani pour me reposer, c'est-à-dire yani حَوَّلْتُ, je ne l'ai pas حَوَّلْ, mais j'ai fait comme si jamais c'était quoi? Un firash, c'est comme si jamais c'était un lit. Là c'est pas بِمَعْنَا ظَنَّ, c'est pas j'ai pensé que la terre était un lit, là c'est بِمَعْنَا اتَّخَذْتُ أي حَوَّلْتُ, c'est comme si jamais j'avais transformé cette terre-là pour en faire un lit pour me reposer. Donc, ittakhadhtu kadhalika ça peut être bima'na tahwil. Comme ja'ala. Et une dernière chose, c'était par rapport à Samira. Samira, il y a un khilaf entre les ulama par rapport au fait est-ce qu'il fait partie d'akhawad dhanna amla. Parce qu'ils ont dit, Samir, le verbe Samira, il rend mansoub ka maf'ul bihi. Tu dis, Samirtu sawtan, j'ai entendu une voix. Il n'y a pas de maf'ul bihi. Lakin, ils ont dit, afin que. Ce Samira, j'ai oublié d'évoquer ça, même je crois que je n'ai même pas évoqué Samira. Ce Samira-là, afin qu'il soit min akhawat ka vanna, il faut que la chose qui suit Samira, ou bien tout ce qui se conjugue avec Samira, il faut que ce soit une chose qui ne s'entend pas. La chose qui suit derrière. Maintenant, si tu dis Samira waladan yasih. Samira waladan yasih. Al-walad aslan, ce n'est pas une chose qu'on entend. On ne qualifie pas par une chose, le walad c'est une chose qu'on entend. Al-walad masmour, on ne dit pas ça. On ne qualifie pas par ce critère-là qu'on entend ou pas. Lakin, si tu dis sami'tu sawtan, naam as-sawt, c'est une chose qu'on entend. Lakin sami'tu waladan yasih, ce n'est pas une chose qu'on entend. Donc la chose, si jamais elle suit sami'a, c'est une chose qu'on n'entend pas, et bien il va être min akhawat vanna, c'est-à-dire qu'il va rendre mansoub de le mubtada al-khabar. Al-waladu yasih, sami'tu al-walada yasih. Et yasih huna, cette jumla fi'aliya, lorsque tu feras l'arabe, tu vas dire fi mahal, lorsque tu auras dit yani yasih fi'lun mudari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa 'alamat raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira fi akhirih tam wa fa'iluhu mustatir taqdiruhu huwa tam. Et ensuite tu diras yani yasih fi mahal hadhihi al-jumla fi mahal nasb khabaru sami'a, tamam. Donc sami'a, pour que ce soit, il fasse partie de akhawat kana wanna plutôt, il faut que ce qui suit sami'a, tamam, ce soit une chose qu'on n'entend pas. Tamam, si jamais c'est une chose qu'on entend, sami'tu sawtan, sami'tu sayhatan, tamam, ila akhirih, j'ai entendu un cri, j'ai entendu une voix, et ben dans ce cas-là, il n'aura pas le rôle de rentrer, ou plutôt il ne fera pas partie de wanna wa akhawatuha, tamam. Inch'Allah, on poursuit. قال رحمه الله تعالى باب النعت. Donc là on rentre dans un nouveau bab qui est باب النعت, et c'est un bab qui est vraiment important. والنعت لغة, avant qu'on rentre dans la définition qui va rapporter المؤلف رحمه الله تعالى, النعت لغة هو الوصف. النعت لغة هو الوصف, حتى في حديث المعراج لما يعني نعت النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى, lorsqu'il a décrit المسجد الأقصى, ماذا قالت قريش؟ قال أما النعت فقد أصبت. Quant à la description, naam, c'est yani, elle est vraie. Tam, tu as certes dit vrai. Quant à la description du masjid, al-Aqsa, tam, amma que tu es parti, fi al-mi'raj ila akhirih, fa kadhabu zalika, lakin ma kadhabu le fait qu'il a décrit, tam, et qualifié le masjid al-Aqsa comme si jamais il y était. Tam, donc ils ont dit amma an-na'tu faqad sadaqta, يعني النعب بمعنى إيش؟ الوصف. تام لغة dans langue arabe lorsque tu dis النعب ما معناه أي الوصف. تام le critère, le comment ça s'appelle, le qualificatif. تام et en français lorsqu'on voit c'est comme si jamais c'était le quoi, le adjectif qualificatif. تام قال النعت تابع لمن للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. il nous dit رحمه الله تعالى النعت. تام donc ce وصف là il nous dit تابعون للمنعوت. C'est celui qui suit al-man'ut, c'est-à-dire celui qui est qualifié. Al-na'at, si on peut dire l'adjectif qualificatif. Wal-man'ut, c'est celui qui est qualifié. Fi raf'ihi, c'est-à-dire il le suit. Fi raf'ihi, fi nasbihi wa khafdihi, c'est-à-dire dans les arabes. Et là, quand il a dit fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, là, on sait qu'il est en train de parler de quoi? D'un ism. Parce que le khafd, il ne rentre pas dans quoi? Dans les af'al, comme on a pu le voir au début. Qal wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Kazalika, il le suit dans le fait qu'il soit défini ou bien qu'il soit indéfini, c'est-à-dire la chose qui est devant, derrière lui plutôt. Et kazalika, il n'a pas évoqué fi ta'nisihi wa tazkirihi wal jam'. Kazalika, il le suit, c'est-à-dire en genre et en nombre. En genre et en nombre, et kazalika dans l'arab. Là, ce qu'il a évoqué, rahimahullah ta'ala, c'est pas la définition du na't. Lakin hadha huwa hukmu an-na't. C'est le jugement du na't. Hadha huwa hukmu an-na't. Amma an-na't fi 'inda an-nuha chez les grammairiens, yanqasimu ila qismayn. Il se divise en deux. إذا سئلت عن حد النعت si on te demande quelle est la définition du na'at فقل النعت ينقسم الى قسمين. Il y a des choses que tu ne peux pas donner directement une définition. Pourquoi? Parce qu'il englobe plusieurs choses. Donc dans ce cas-là tu dis ينقسم الى قسمين, comme ils ont fait avec le hadith al-hasan. فبعدهم ils ont évoqué des définitions pour le hadith al-hasan. La vérité c'est difficile parce que le hasan il y a quoi? لغيره ولذاته. فقالوا الحسن ينقسم الى قسمين, il se divise en deux. Ensuite, il ramène la définition qui est propre à chacun de ces deux qismes-là. Donc, kadhalika hawana dans na'at. On dit, an-na'atu fi istalah an-nuha yanqasimu ila qismayn. Il se divise en deux parties. Na'atun haqiqi wa na'atun sababi. Fa an-na'atu al-haqiqi ma huwa? Huwa al-wasfu alladhi, na'am, al-wasfu alladhi yubayyin wasfan min awsaf al-matbu'. ما هو النعت الحقيقي هو الذي يبين وصفا من اوصاف المتبوع. C'est celui qui va venir y apporter un qualificatif sur la chose qui l'a précédé, c'est-à-dire le qualifier. تمام. Ça c'est quoi? النعت الحقيقي. C'est celui الوصف الذي يبين وصفا من اوصاف المنعوت. C'est celui qui va venir décrire un des critères parmi les critères qui est qualifié, la qui est qualifié la chose qui l'a précédé. تمام. مثلا si je dis جاء محمد الفاضل. فالفاضل هنا سانعت. De quoi? De محمد. Pourquoi? Parce qu'il est venu décrire محمد comme étant une personne qui a quoi? Qui a du mérite. Donc il a quoi? بَيَّنَا وَصْفًا مِنْ أَوْصَافِهِ. Il est venu pour éclaircir un point parmi les qualificatifs dont il est qualifié محمد, qui est quoi? الفاضل, c'est-à-dire le mérite. جاء محمد الفاضل. Si on demande les arabes de الفاضل, ce sera quoi? Ce sera un نعت. On va voir حقيقي. Et il vient pour décrire ce qu'il y a avant lui. Ce qu'il y a avant lui. Et le na'at, al-na'at al-sababi, ta'rifuhu, c'est quoi? C'est al-wasfu alladhi yubayyinu ma yata'allaq bil-matbu'. Ma yata'allaq bil-matbu'. C'est-à-dire qu'il ne vient pas décrire un critère, un qualificatif de celui qui est avant lui. Lakin, il va décrire une chose qui est en relation avec celui qui est avant lui. Mathalan, si jamais on dit جاء الفاضل جاء محمد الفاضل أبوه جاء محمد الفاضل أبوه. محمد est venu, يعني qui est le محمد? C'est celui dont son père il est quoi? C'est un homme de mérite. جاء محمد الفاضل أبوه. Si jamais on venait premier arabe de الفاضل هنا, on dira que c'est un نعت. لكن c'est pas un نعت حقيقي. C'est pas un véritable نعت. On peut traduire comme cela, haqiqi. C'est pas un véritable na'at. Pourquoi? Parce que le na'at, c'est quoi? C'est le tabi'. C'est celui qui suit. Celui qui est avant lui. Amma hauna, et qui vient lui apporter une description. Amma hauna, al-fadilu, il revient pas sur Muhammad. Ce critère-là, al-fadilu, le mérite, il revient pas sur la description de qui? De Muhammad. Lakin, de son père. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. C'est qui le fadil? C'est son père. Lakin, pourquoi on l'appelait na'at? Parce qu'il vient décrire un qualificatif qui n'est pas véritablement à Muhammad, celui qui est avant lui, al-matbu', ou bien tu peux dire al-man'ut, lakin, une chose qui est en relation avec qui? Avec Muhammad, qui est quoi? Son père. Quelle est la relation entre Mohammed et Abouhou? C'est que Mohammed, c'est le fils Tam du Haq qui est Fadil. Tam fait, en vérité, Al-Fadil revient quoi? Comme critère, comme qualificatif à ce qui vient après. C'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé vraiment Nert. Tam, Tam, Haqiqi. Pourquoi? Parce que le Nert, normalement, il vient qualifier une chose qui est avant lui. Amma là, on a dans l'exemple, Ja'a Mohammedun Al-Fadil Abouhou. Al-Fadil Huna, c'est un Nert de ce qui va venir après. Et ça, c'est pas possible. Tam. C'est pas comme dans la langue française. Dans la langue française, c'est quoi? L'adjectif qualificatif, il est avant celui qui est qualifié. J'ai une belle maison. T'as fait belle ou non, c'est quoi l'adjectif qualificatif? Et la maison, c'est la chose qui est qualifiée. Fait dans le français, c'est comme ça, mais dans l'arabe, là. Fait, il faut qu'il vienne décrire al-haqiqi, celui qui est vraiment véritablement nat, il décrit une chose qui est avant lui. Et si jamais il vient pour décrire une chose qui est après lui, tout en ayant une relation avec la chose qui est avant lui, comme c'est le cas là, Ja'a Muhammadun Abuhu, c'est quoi la relation entre Abu et Muhammad? C'est que c'est son fils. Lakin al-Fadil, est-ce qu'il vient d'écrire Muhammad là? Il vient d'écrire qui? C'est celui qui est après Muhammad, c'est-à-dire son père. Ça, on l'appelle quoi? Na'dun Sababi. C'est-à-dire qu'il est venu pour qualifier une chose qui vient après lui, bisabab ma qablahu. C'est la chose qui est venue avant lui, qui a été un sabab quand on est venu qualifier celui qui est après lui. Il faut savoir que an-na't, c'est une chose qui est quoi? J'ai oublié d'évoquer ça avant. An-na't, c'est une chose qu'on appelle une fadla. Dans la langue arabe, on appelle ça une fadla, c'est-à-dire un surplus. C'est-à-dire c'est une chose que tu peux te passer. Contrairement à quoi? Au mubtada ou au khabar. Le mubtada ou le khabar, la budda minhuma. Dans la jumla qui est ismiya, la budda minhuma. Ce sont les deux piliers de la jumla qui est ismiya, la budda minhuma. Amma an-na't, c'est une chose que tu peux t'en passer. Mathalan, si je dis, hadha Muhammadun. C'est une jumla qui est quoi? Mufida. Une jumla qui est mufida. Hada, c'est le mubtada. Et j'ai dit quoi? Muhammad, c'est le khabar. Si jamais je dis hada, la personne va se dire hada esh. Il va demander qu'est-ce qui vient après. Donc là, la jumla est quoi? Elle n'est pas mufida. Pourquoi? Parce qu'il manque au mubtada le khabar. Son nombre. Donc là, la phrase ne sera pas complète. On appelle ça une chose qui fait partie des piliers de la jumla. On appelle ça quoi? On appelle ça une umda. Comme si c'était un pilier. Dans les cas dans la jumla qui est fi'liya, le pilier de la jumla fi'liya, c'est quoi? Le fi'l al-fa'il. On ne peut pas trouver un fi'l sans fa'il, et kazalika, on ne peut pas trouver un fa'il sans fi'l. Comme on ne peut pas trouver un mubtada sans khabar, et kazalika, un khabar sans mubtada. Amma an-na't, c'est une chose qui fait partie des fadla, des choses qui sont en surplus. Si jamais, مثلا, je dis, Ja'a Muhammadun al-Fadilun. Al-An, on a rapporté, ou plutôt pas Ja'a Muhammadun, on va dire, on a pu voir que le fi'al wal fa'il, ça fait partie de l'écart des piliers dans la phrase. On a le fi'al, on aurait pu se passer de quoi? Al-Fadlu. Ja'a Muhammadun. Si jamais je dis à quelqu'un Ja'a Muhammadun, il va comprendre que Muhammad il est venu. Mais le fait que j'ai rajouté Al-Fadlu, c'est quoi? C'est un surplus. Afin de bien décrire qui est ce Muhammad-là. Il y a plusieurs Muhammad, mais celui qui est venu, c'est celui qui est Al-Fadlu. Donc on aurait pu le supprimer. Tout ce que tu peux supprimer dans une phrase, et qui n'a pas d'impact dans la compréhension de la phrase, on appelle ça quoi? Une fadla. Une fadla, c'est-à-dire une ziyada, une chose dont tu peux t'en passer. Ja'a Muhammadun al-Fadilu, Ja'a Muhammadun, les deux sont compris, sauf que la deuxième, elle est beaucoup plus qualifiée. C'est ça le but du nerf, c'est qu'il qualifie en plus, au niveau de ce qu'il comporte. Donc ça, c'est Kazalika, c'est une chose qui est importante à savoir, et ça permet à certains, parce que maintenant je me rappelle dans le tome 2, certains avaient des difficultés à faire la différence entre quoi? Le khabar et le mubtada. C'est simple. Celui que tu peux supprimer dans la phrase, ça ne peut pas être le khabar. Abadan. Dans la jumla qui est quoi? Ismiya. Celui que tu peux supprimer, c'est impossible que ce soit quoi? Le khabar. Abadan. Donc, comment on fait la différence entre les deux? C'est ça. C'est, tu regardes lequel tu peux supprimer dans la phrase. T'as-t'en. Et celui qui est supprimable, ben, ce n'est pas le khabar. Ça ne peut pas être le khabar. T'as-t'en. Qu'est-ce les cas parmi les dawabit, les choses qui te permettent, on va revenir sur Sababi ou Al-Haqiqi, on a pu voir que le na'at yanqasim ila qismayn. Na'atun Sababi wa na'atun Haqiqi. On a pu évoquer que le na'atun Haqiqi, c'est celui qui vient apporter une information sur celui qui est avant lui et qui le suit dans tous ses états. Et le na'at Sababi, c'est celui qui vient apporter une information sur ce qui va venir après lui. Tam. Et qui a une relation, cette chose-là qui vient après lui, il a une relation avec ce qui vient avant le na'at. Ja'a Muhammadun al-Fadilu abuhu. Fahuna, c'est un na'atun sababi, c'est-à-dire qu'il vient apporter une information sur ce qui est après. Bisabab Muhammad. Bisabab Muhammad. Parce que Muhammad, c'est le fils de qui? Le fils de l'Ab. Et certains ont évoqué, par rapport au da'abit, de Ja'a Muhammad, plutôt de na'at al-Haqiqi ou na'at al-Sababi, ils ont dit al-na'at al-haqiqi, yani ma yarfa damiran mustatiran yarji ila al-man'ut. Al-na'at al-sab' al-haqiqi, c'est celui qui va rendre marfou' un damir qui est mustatir, c'est-à-dire qui n'est pas évoqué, et qui revient sur le man'ut. Lorsque tu dis ja'a Muhammadun al-fardilu, on a pu voir que il y a des choses qui peuvent remplacer les af'al. Et parmi cela, ce qu'on avait évoqué, al-fa'il, ism al-fa'il, wa ism al-maf'ul. Il y en a plusieurs. Huna, al-fardilu, il est à la wazn du ism al-fa'il. Ja'a Muhammadun al-fardilu. Huna, al-fardilu, say'amal amal al-fa'il. Ça, c'est une chose que vous allez voir après, laquelle c'est juste pour que vous compreniez et que vous puissiez faire la différence entre le sababi et le haqiqi. On a dit, al-haqiqi, c'est celui qui va rendre yani, le wasf, le na'at. Comme Fardelouna, il va rendre marfou un damir qui est mustatir qui va venir après lui, et qui va revenir sur quoi Mohammed, plutôt sur le man'ut, celui qui est venu avant lui, al-man'ut, celui qui est qualifié. C'est comme si on s'était dit dans la phrase, Ja'a Muhammadun al-Fardelou huwa. Ce huwa là, il est quoi? Il est mustatir, on l'évoque pas, il est mustatir et on l'évoque pas, on n'évoque pas celui-là. Et il revient sur qui? Sur Mohammed. Amma, le na'at, al-sababi, huwa ma yarfa isman zahiran. متصلا بدمير يعود الى المنعود تمام on a pu l'évoquer qu'est-ce que ism zahir c'est ce qui est pas mudmar est-ce qui est pas ism muawwal tamam un ism zahir yani sarih tamam comme مثلا جاء محمد الفاضل ابوه فابوه هنا il est considéré comme étant le marfou de quoi de فاضل tamam on a pu voir que فاضل c'est un ism fa'il et l'ism fa'il ils ont la même œuvre que quoi le fi'l tamam. Fahuna, il a rendu marfou' ce qui vient juste après lui qui est abouhu. Et c'est quoi? Est-ce que c'est un damer mustatir? Là, c'est un ism qui est quoi? Zahir, qui est apparent. Hein? Et ce ism qui est apparent, il contient un damer qui est mutasir, abouhu, le ha, qui revient à qui? Au man'ut. Hein? C'est comme si on avait dit, ja'a Muhammadun al-fadilu abu Muhammadin. Hein? Le ha, il revient à qui? À Muhammad. Hein? Il revient à Muhammad. Fa'le na'at al-sababi. هو الذي يرفع اسما ظاهرا متصلا بدمير يعود الى المنعوت الاسم النعت الحق السببي c'est celui qui va rendre marfou un ism zahir dans lequel est accroché un damir qui va revenir sur quoi qui va revenir sur manhut amma an-na'tu al-haqiqi هو الذي يرفع ضميرا مستترا يعود الى المنعوت جاء محمد الفاضل اي هو اي هو il revient qui à Muhammad. Comment tu fais la différence entre les deux? Tu l'as fait là, par rapport à cela. Il y en a un qui va rendre marfou' un ism zahir et l'autre qui va rendre marfou' un ism qui est quoi? Qui est mustatir. Un damir qui est quoi? Qui est mustatir. Ça c'était par rapport à quoi? À la définition et par rapport au dhabit qui nous permet de quoi faire le tamyiz entre le na'at al-haqiqi ou le na'at al-sababi. Alors on va passer inshallah au ahkam comme il a évoqué hauna rahimahullah. فقال النعت تابع للمنعوت في نعم في رفعه ونصبه وخفضه. Le na'at haqiqi comme sababi au niveau du hukm, ils vont être marfou' comme le man'out. Si jamais le man'out, celui qui est avant lui, il est marfou', il sera marfou'. Si jamais le man'out il est mansoub, il sera mansoub. Si jamais le man'out il est marfoud, il sera quoi? Marfoud. Si jamais le man'out il est quoi? Défini, il sera défini. Si jamais le man'out il est nakira, indéfini, il sera kazalika, indéfini. Ja'a rajulun fardilun. Fardilun hunaish, c'est un na'at d'une chose qui est quoi? Indéfinie, qui est kazalika, qui est marfoud. Ja'a rajulun marfoud. Et il est quoi? Il est nakira. Fardilun kazalika, il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il soit nakira. Ja'a rajulun fardilun, il faut qu'il soit nakira, kazalika, il faut qu'il soit marfoud. Ça c'est par rapport à quoi? Au na'at qui est quoi? Qui est haqiqi. كذلك النعت كون السبب نعم السببي تام جاء رجل فاضل أبوه جاء رجل فاضل أبوه تام فكذلك هنا رجل تام إلى كوا إلى نكرة إلى مرفوع فكذلك النعت السببي c'est-à-dire celui qui vraiment يعني en vérité ne revient pas sur lui la description لكن sur ce qui vient après تمام إلى كذلك إلى كوا إلى مرفوع وكذلك إلى كوا نكرة. Si jamais défini, défini. Ja'a Muhammadun, plutôt Ja'a Rajulu al-Fadilu. Fa Rajul il est quoi? Nakira. Il est na'am, il est ma'rifa. Fa kazalika, ce qui vient après, il faut qu'il soit ma'rifa. Fadilu. On ne peut pas dire Ja'a Rajulu Fadilu. Ça c'est le khata. Kazalika dans le na'at quoi? Al-Sababi. جاء الرجل الفاضل أخوه. تمام. فهذا كذلك هنا الرجل إلى كوا معرفة إلى مرفوع في صنع كسببي هنا إلى كوا كذلك إلى مرفوع إلى معرفة وكذلك au niveau du quoi du nasb. تمام. رأيت رجلا فاضلا فهنا فاضلا صنع. تمام. إلى منصوب كم صمن عود سكي أبا. تمام. رجلا إلى منصوب إلى نكرة كذلك سكي vient après نعت حقيقي منصوب وكذلك نكرة. رأيت رجلا فاضلا أبوه. تمام. رأيت رجلا فاضلا أبوه. تمام. donc كذلك هنا أبوه plutôt فاضلا إلى منصوب إلى نكرة comme celui qui avant lui. تمام. وكذلك الخفض مرنت برجل فاضل. تمام. مرنت بنعم رجل فاضل أخوه. تمام. إلى آخره. donc là on peut voir par rapport à ce qu'il a rapporté le mu'allif rahmatullah par rapport au ahkam entre le na't al-haqiqi ou le na't al-sababi, c'est que les deux, les deux ils suivent le man'out, ce qu'il y a avant lui, dans al-i'rab et dans quoi al-ta'rif ou al-tankir. Al-ta'rif ou al-tankir. Et qu'à l'écart, il faut savoir que le na't al-haqiqi, il suit كذلك المنعوت في comme ils disent dans, au niveau du genre في التذكير والتأنيث ونعم الجمع. Si jamais celui qui est avant il est c'est un jam, il faut qu'il soit le na'at, il faut qu'il soit jam par rapport au na'at qui est quoi حقيقي. جاء الرجال الفضلاء ou bien الأفاضل comme tu veux. جاء الرجال الأفاضل. هنا الرجال il est quoi, il est jam. فكذلك النعت الحقيقي فوكسواجم جاء رجلان فاضلان لا إلى مثنى كذلك فوكسوا مثنى. تمام. جاء امرأة فاضلة. تمام. جاء امرأة فاضلة. تمام. يفوق يسوي dans tous ces états. Le نعت الحقيقي يسوي المنعوت dans tous ces états. تمام. dans tous ces états. que ce soit dans l'arabe ou bien que ce soit en genre et en nombre. dans tous ces états. أما النعت السببي il suit le man'out dans deux choses, dans l'i'rab et dans al-ta'rif wa tankir, au niveau qu'il soit défini ou bien indéfini le suit. Il suit ce qui est avant et il suit ce qui est après. Au niveau du quoi? Au niveau du genre. Si jamais ce qui suit après lui il est masculin, il faut qu'il soit masculin. Si jamais c'est le féminin, ce qui vient après lui, il faut qu'il soit féminin, ce na'at qui est avant lui. مثلا, si jamais je dis جاء محمد الفاضلة أمه. جاء محمد الفاضلة أمه. فهنا فاضلة. تمام. c'est pour ça que vous voyez bien que c'est pas un véritable na'at de ce qui est avant, parce que فاضلة et محمد il y a un problème. تمام. محمد c'est masculin et فاضلة il est quoi féminin. لكن ça il vient qualifier تمام ce qui vient après. تمام. ce qui vient après il y en est dans le معنى, pas dans l'aspect. تمام. dans l'aspect le na'at dans la langue arabe il peut pas venir avant le man'out. تمام. il vient après. C'est-à-dire que dans l'aspect, le na'at sababi, dans l'aspect, c'est pas un véritable na'at. Là, dans la ma'na, c'est pas un véritable na'at, dans le sens qu'il ne vient pas qualifier ce qui est avant lui. Et là, dans la ma'na, c'est un na'at parce qu'il vient apporter un qualificatif sur ce qui est après lui. Tout simplement. Fa, mathalan, huna, ja'a Muhammadun al-fadilatu ummuhu. Fa, huna, ummuhu. Vu que c'est féminin, il faut que le na'at al-sababi kazalika soit quoi? Il faut qu'il soit féminin. Masculin, masculin. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Al-fadilu abuhu. Donc le na'at al-haqiqi, il va suivre ce qui va venir après, c'est-à-dire le marfou, ce qui va rendre marfou, au niveau du masculin et du féminin. Si jamais ce qui suit après c'est masculin, il faut qu'il soit masculin. Si jamais ce qui suit après c'est féminin, il faut qu'il soit quoi? Féminin. أما النعت الحقيقي lui il est toujours quoi, il est toujours mufrad, toujours singulier. C'est-à-dire que même si ce qui suit après lui c'est un duel, c'est un jam, il va rester comme il est, c'est-à-dire au niveau du singulier, il sera jamais duel et كذلك sera jamais pluriel. جاء محمد الفاضل إخوته. فها هنا جاء محمد الفاضل, c'est un نعت de la chose qui va venir après. Et la chose qui vient après, elle est quoi? Elle est plurielle. Et alors que là, on a pu voir que le na'at qui est quoi? Sababi hauna, il est quoi? Il est singulier. Celui-là, lorsqu'au niveau du singulier, du pluriel et du duel, il le suit pas, tam. Il ne suit pas ce qui vient derrière. Tam. Il ne suit pas ce qui vient derrière. Si on met un duel, Ja'a Muhammadun al-Fadilu akhawahu. Ja'a Muhammadun al-Fadilu akhawahu. La akhawahu, c'est quoi? Du duel. Tam. Vu qu'en vérité, ça a un nerf dans le ma'na, Kazalaika, il aurait dû être quoi? Il aurait dû être, il y a un duel. Parce que lorsqu'on dit Ja'a Muhammadun al-Fadilu akhawahu, c'est qui est Fadil? C'est pas Muhammad, attention. Hein. C'est pas Mohammed. Pourquoi on sait que c'est pas Mohammed qui est Fadilou? Parce que Fadilou, il est venu, il a rendu marfou une chose qui vient après lui. Qui est quoi? C'est un ism al-zahir. Il a rendu marfou un ism al-zahir. Si jamais ça aurait été un damir mustatir, non, on aurait dit que là, c'est un nerf haqiqi. Lakin le fait qu'il a rendu marfou, c'est obligé qu'il rend marfou le nerf. Lakin, il rend marfou deux choses. Soit une chose qui est quoi? Damir mustatir, ou bien une chose qui est quoi? Un ism al-zahir. Si jamais c'est un ism al-zahir, comme c'est le cas ici, ça peut être que quoi? Qu'un nerf qui est quoi? Sababi. Et là, comme on peut le voir, ce nerd sababi, si jamais c'est un nerd sababi, c'est-à-dire que le nerd, il va donner, il va être un qualificatif de la chose qui vient après, et pas de la chose qui vient avant. Amma al-nerd al-haqiqi, il est nerd de la chose qui vient avant. Donc on va résumer, Inch'Allah. On va résumer, Inch'Allah, et on va faire les arabes de ce qui suit. On va résumer par rapport au nerd al-haqiqi ou au nerd al-sababi. Fa al-nerd, les deux, ce sont quoi? Des fadla. C'est une chose que tu peux supprimer de la phrase. Et nart, on a pu voir que dans la langue arabe, c'est quoi? C'est un wasf. Comme on a pu voir par rapport au hadith de Mi'raj. Le nart, عند النحا, ينقسم إلى قسمين. Haqiqi wa sababi. Le haqiqi et le sababi, au niveau du jugement, ils suivent le man'out, c'est-à-dire celui qui est avant lui. Le man'out, il ne peut que venir avant. Ils suivent celui qui est avant lui, que ce soit haqiqi ou bien sababi. Il le suit dans l'arabe, et il le suit kazalika dans ta'rif wa tankir. Il le suit dans l'arabe. Si jamais il est défini, il sera défini, ta'rif. Si jamais il est indéfini, il sera indéfini. Là, il y a un hukm qui est quoi? Qui est mushtarak, les deux. Al-na'at, al-sababi, il va suivre ce qui vient après lui, c'est-à-dire son marfou, si jamais il est quoi? Masculin ou bien féminin. Ja'a Muhammadun al-Fadilu abuhu. Ja'a Muhammadun al-Fadilatu ummuhu. Ce qui vient après lui, si jamais il est masculin, il sera masculin. Si jamais il est féminin, il sera féminin. Al-na'at, al-sababi, il est toujours singulier. C'est-à-dire que même si jamais ce qui vient après lui, il est pluriel, il est duel, il ne va pas changer. Ja'a Muhammadun al-Fadilu ikhwatuhu. Ikhwatuhu, c'est jam. Amma al-na'at al-haqiqi, il suit le man'out dans tous ses états. Que ce soit au niveau de l'arabe, si jamais il est marfou', mansoub, mansoub, marfoud, marfoud. Si jamais il est défini, indéfini, l'indéfini, duel, duel, pluriel, pluriel, singulier, singulier, il le suit dans tous ses états. Amma le na'at al-sababi, al-na'at al-sababi, il suit le man'out, ce qui est avant, dans deux choses, dans les arabes et dans le fait du ta'rif et du tankir, s'il est défini ou indéfini, et il suit ce qui vient après, si jamais il est quoi, masculin ou féminin, et il est toujours quoi, al-na'at al-sababi, il est toujours singulier. Il est toujours singulier, il reste comme il est, même si jamais ce qui vient après, il est pluriel. Donc on fait les arabes, Inch'Allah, on va se souvenir de cela. Il a dit, qama zaydun al-aqilu. Qama zaydun al-aqilu, qama fi'lun ma'adin. مبني على الفتحة زيد فاعل مرفوع بقامة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره العاقل نعت نعت مرفوع والتابع لمرفوع مرفوع مثله العاقل تابع مرفوع والتابع تملي مرفوع مرفوع التابع يعني العاقل c'est quoi c'est un تابع c'est celui qui suit tamam comme l'a plus évoqué au début et le تابع si jamais plutôt le matbu' si jamais il est marfou' et bien tabir kadalika sera marfou' qala ra'aytu zaydan al-aqila ra'aytu fi'lun madin mabni 'ala sukun li'ittisal bihi bi damir mutaharrik fi mahal raf fa'il zaydan maf'ulan bih mansub bil fi'l wa 'alamat an-nasb bihi al-fatha adh-dhahira fi akhirih al-aqila tabi'un li zaydan wa at-tabi' li mansub mansubun mithluhu celui le tabi' qui fait une chose qui est mansub il sera mansub comme lui qala wa marantu bi zaydin al-aqili مرانتو فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء متحرك في محل رفع فاعل الباء حرف جر زيد اسم مجرور العاقل تابع مجرور والتابع لمجرور مجرور مثله كذلك avec le نعت السببي قام زيد العاقل أبوه تجي قام فعل ماضي مبني زيد سنصن فاعل العاقل تجي عن نعت سببي تام ابوه تجي راسه سو مرفوع اي لي مضاف اي لها مضاف اليه اي كذلك avec le même i'rab يعني par rapport أحالة النصب كما نقول مثلا رأيت زيدا العاقل أبوه ومرنت بزيد العاقل أبوه. ça c'est par rapport à quoi النعت الذي هو من مرفوعات الأسماء si jamais son متبوع il est quoi il est مرفوع. on espère inshallah que le درس il a été compris بإذن الله عز وجل. et s'il n'y a pas de questions inshallah on se contente de cela. مع التحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.